Complainte des pubertés difficiles par Jules Laforgue, enregistré pour LibriVox.org. Un éléphant de jade, œil mi-clos souriant, méditait sous la riche éternelle pendule, bon Bouddha d'exilé qui trouve ridicule qu'on pleure vers les Nils des couchants d'Orient, quand bave notre crépuscule. Mais, saut Éden de Florian, en un vase de sèvres ou de fin berger fade, s'offrent des bouquets bleus et des moutons frisés, un œillet expirait ses pubères baisés sous la trompe sans flair de l'éléphant de jade. À ces bergers peints de pommade dans le lait, à ce couple impuissant d'opéra transi jusqu'au trépas en la pâte de sèvres, un gros petit dieu pan venu de Tanagra tendait ses bras tout inconscients et ses lèvres. Sourds aux vanités de Paris, les lauriers fanés des tentures, les macarons d'or des lambris, les bouquins aux pâles reliures tournoyaient par la pièce obscure, chantant sans orgueil, sans mépris, tout est frais dès qu'on veut comprendre la nature. Mais lui, cabré, devant ses soirées accoutumées, où montait la gaieté des enfants de son âge, seul au balcon, disait, les yeux brûlés de rage, « J'ai du génie, enfin, nul ne veut m'aimer. » Fin du poème. Enregistré par Désiré Ouédraogo, cet enregistrement fait partie du domaine public.